Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de partager avec vous. C'est vrai, là, une grande partie de mes recherches doctorales sur lesquelles je ne suis pas revenue depuis maintenant plus de 4 ans, puisque je me focalise vraiment, je m'intéresse essentiellement sur la question de la radicalisation, sans jamais oublier la sensibilité du genre dans cette thématique-là, puisque je m'intéresse aussi sur ce qu'on appelle le djihadisme au féminin, ou la féminisation du djihadisme. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, si pour les personnes qui souhaitent en avoir plus, on peut en discuter après. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur un travail de recherche doctorale que j'ai mené entre le Liban et la France, précisément entre 2009 et 2013. Pendant cette période-là, j'ai commencé à travailler essentiellement au sein de l'université libanaise, au département de sociologie, sur une thèse qui, à l'époque, il n'y avait pas énormément de chercheurs qui s'intéressaient à la question, ce que j'appelle la nouvelle visibilité féminine dans les médias arabes, puisque moi, avant, toutes mes recherches portaient sur l'école, sur la question de la violence. J'avais un master en sociologie de l'éducation. Et quand j'ai voulu travailler, préparer une thèse, si vous voulez, j'étais très intéressée par la question de cette question-là, de la nouvelle visibilité. Je vais essayer de contextualiser un tout petit peu pour que vous puissiez un peu comprendre ce cheminement-là. C'était à l'époque, je suis d'origine libanaise, peut-être vous l'avez imaginé quand je parlais de l'université libanaise, mais c'était à l'époque où il y avait des vagues d'attentats contre des hommes politiques, mais aussi beaucoup de journalistes, et notamment des journalistes femmes. Et là, je précise, c'est le cas de Maïchi Diak, qui a été nommée récemment ministre au Liban, qui a été victime d'un attentat en 2005, juste après l'attentat du journaliste Samir Kassir, et qui a survécu à cet attentat-là, mais qui est depuis qui en a souffert beaucoup, puisqu'elle a été amputée d'une jambe et d'un bras. Donc malgré cela, cette personne avait continué son combat et est devenue aujourd'hui, surtout dans le domaine politique, puisque Maïchi Diak a été présentatrice, journaliste d'une émission politique sur la chaîne libanaise privée LBC. Donc à cette époque-là, la question c'était que, il y avait bien évidemment des réactions d'indignation, mais aussi d'incompréhension, surtout dans une société qui jongle un peu entre la tradition et la modernité, qui a été super bien présentée, cette thématique par Hélène. Surtout de dire aujourd'hui, une femme qui va aussi être victime d'un attentat, cible d'un attentat terroriste, c'est aussi parce que des voix féminines commencent peut-être à faire peur. Peut-être aussi parce qu'on craint ces nouvelles voix dans l'espace public et médiatique. Donc, d'où l'idée, j'ai dit peut-être il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ces nouvelles voix, qui sont ces femmes qui aujourd'hui occupent une partie importante du paysage médiatique arabe. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, qui c'est ma première thèse que j'ai soutenue en 2012, toujours à l'université libanaise, que j'ai complétée par une deuxième thèse sur la même thématique, mais avec un apport supplémentaire sur la question de la réception, parce que c'était aussi important pour comprendre vraiment l'impact de cette nouvelle visibilité véhiculée par les nouveaux modèles féminins, de revenir sur le terrain, d'interroger les gens, de questionner leur propre représentation, interprétation, lecture de ce que proposent ces nouvelles voix féminines. Et c'est ma deuxième thèse, je l'ai soutenue en 2013 au sein de l'Université de Bordeaux. Donc revenons un tout petit peu au contexte pour mieux comprendre l'émergence de cette nouvelle visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chaînes satellitaires ont rempli dans l'évolution de la place des femmes dans les sociétés arabes un rôle très important, notamment dans la création de nouveaux domaines d'emploi féminins. Ce qui ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas accès à des emplois, mais c'était essentiellement dans des émissions liées à la vie domestique. On ne va pas rentrer peut-être trop dans les détails, mais à travers les médias, il y avait vraiment une image véhiculée qui réduit et qui cantonne la femme à un rôle unique, spécifique. C'est un rôle domestique et je dirais en plus aussi ces médias véhiculaient des images, essentiellement des images stéréotypées, donc aussi autour de la femme, objet de séduction pour les hommes. Donc c'était essentiellement, et d'ailleurs, et je dis ça avec beaucoup d'amertume, puisque sur les plus de 1100 chaînes satellitaires dans le monde arabe, on trouve beaucoup, beaucoup de femmes qui continuent à reproduire ces mêmes stéréotypes, notamment à travers des émissions centrées sur le divertissement, sur tout ce qui relève, si vous voulez, de la vie domestique. Donc l'objectif, c'était de vraiment, d'un côté, analyser cette question de diversité des figures féminines véhiculées par ces chaînes-là qui, si vous voulez, entre 1990 et 2014, le nombre de ces chaînes-là va passer de quelques dizaines à plus de 1000. On a dit aujourd'hui, on a plus de... Enfin, les dernières statistiques montrent, remontent à 2016 et montrent qu'il y avait à l'époque 1122 chaînes. Ce qui est aussi important de savoir que la majorité écrasante de ces chaînes-là sont tenues par des acteurs privés. Au cours de cette période, l'activité féminine, donc surtout de la présentation télévisuelle, parce que vous allez m'entendre parler beaucoup plus présentatrice, parce que pour moi, présentatrice englobe vraiment différents rôles, enfin, ou différentes casquettes, si vous voulez, entre journaliste, animatrice correspondante et d'autres. Donc, aujourd'hui, il est très difficile de construire de statistiques à cause d'une carence en enquête sur ce sujet-là pour dire aujourd'hui, on a tel nombre de présentatrices femmes sur les chaînes satellitaires contre tel nombre de présentateurs hommes. C'est trop compliqué. Mais on peut revenir sur différentes raisons qui expliqueront, si vous voulez, ce que j'appelle cette féminisation des chaînes satellitaires ou des petits écrans dans le monde arabe. Première raison, c'est l'augmentation de la demande pour répondre aux besoins de chaînes, tout à fait logique. Il y a l'augmentation de salariat aussi, qui est très importante, surtout dans les chaînes du pays de Golfe, où, moi, en interrogeant des présentatrices là-bas, j'étais un peu étonnée de savoir que à l'époque, en 2009, il y avait, qui me parlait d'un salaire autour de 9000 euros par mois. Donc, c'est bien évidemment des salaires de stars, ce n'est pas les salaires des présentatrices débutantes. Donc, il y a aussi l'élévation du niveau de qualification de la profession et n'oublions pas le succès de certaines figures de présentatrices auprès des publics arabes. Et là, je vais vous en citer plusieurs tout au long de cette intervention-là. Les présentatrices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont toujours plus nombreuses dans le divertissement, la télé, les réalités, les magazines matinaux, les programmes destinés au public féminin, que dans le domaine de la politique du social et dans la correspondance de guerre. Mais moi, c'était essentiellement ces figures-là qui m'intéressait dans ma thèse, qui voulait aussi, qui avait un objectif entre autres, c'est de dire qu'il faut arrêter de reproduire un savoir, une connaissance, parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi en faisant un travail de bibliographie sur ces questions-là à l'époque, de reproduire ce savoir-là, cette connaissance qui dit que les femmes des médias sont que des objets et de divertissement ou des objets sexuels, et cette vision essentialiste posait pour moi un problème puisque ça gommait en fait une partie du tableau qui montrait aussi qu'à travers des rôles spécifiques, ces femmes-là arrivaient à travers le journalisme, le métier de journaliste, à faire évoluer cette image-là et aussi à contribuer aux transformations de l'imaginaire et des rôles de genre dans ces sociétés-là. Et je le dis aujourd'hui ici, et puisque peut-être pour être encore plus nuancé, pourquoi faire deux thèses sur le même sujet presque ? Puisque pour moi c'est important de sortir de cette vision essentialiste qui existe toujours dans le monde arabe et dans le monde occidental. C'est pour cela que je voulais produire en deux langues, en français et en anglais, pardon, et en arabe, et bien évidemment des publications en anglais par la suite. Donc cette vision qu'on le voit aujourd'hui, incarnée sous différentes formes, que Hélène a évoquée d'une façon extraordinaire tout à l'heure, mais à travers des polémiques autour du voile, autour du féminisme islamique aujourd'hui, mais aussi au-delà de ça, par exemple dans le domaine de la radicalisation aujourd'hui, on a beaucoup souffert, je dis, et on souffre, nous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, et malheureusement on n'est pas nombreux à aborder la question de la radicalisation au féminin, de cette vision essentialiste qui néglige ou qui prend la femme comme étant forcément une actrice passive, non violente, dans le phénomène de la radicalisation. Donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Ce qui, si vous voulez, c'est pour éclaircir un tout petit peu le volet méthodologique. Donc j'ai travaillé et j'avais beaucoup de chance de pouvoir profiter à l'époque de deux bourses. La première, c'est une bourse de Ford Foundation dans le cadre d'un programme, Middle East Research Program, qui existait, il n'existe plus malheureusement, à l'époque, qui finançait des recherches dans le monde arabe sur des questions en lien avec le genre. Et à l'époque, j'avais eu cette chance-là, et c'est ce qui m'a permis de mener une enquête dans quatre pays, notamment le Liban, l'Égypte, la Tunisie, le Qatar et les Émirats. J'ai travaillé aussi sur le cas des présentatrices en Arabie Saoudite sans pouvoir faire du terrain. On ne va pas rentrer dans les détails, les contraintes de ce pays-là. Mais on va revenir aussi sur cette question-là, sur la condition des femmes et comment ça aussi a évolué dans le cas des chaînes, surtout qui diffusent depuis le Royaume. Donc, j'ai pu interroger une centaine à peu près de journalistes dans 18 chaînes satellitaires dans ces quatre pays, dont Al Jazeera, Al Arabiya, Fadaïa Al Masriya, Dream TV, Hannabal et d'autres chaînes. Donc, l'idée de départ, c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment de se focaliser, d'analyser cette diversité pour montrer qu'il y a une nouvelle visibilité et que cette nouvelle visibilité-là des femmes, notamment à travers deux figures, la figure de ce que j'appelle Al-Muhawira, la discutante, pour sortir un tout petit peu de ces catégorisations, présentatrice, journaliste, machin. Donc, Al-Muhawira et Al-Murasil Al-Harbiya, pour les noms arabophones, les reporters, femmes reporters de guerre. Donc, ce que j'ai remarqué, si vous voulez, en faisant sociologie des présentatrices des chaînes satellitaires, avant de rentrer dans le détail comment ces deux figures-là ont vraiment impacté le paysage médiatique, mais aussi le public arabe, c'est que c'est ce que j'ai remarqué à travers ces entretiens, c'est que vraiment le journalisme est devenu, si j'ose dire, pour certaines femmes, pas pour tout le monde, hein, parce que là je ne fais pas des généralités, un outil d'empowerment pour évoluer, pour grimper dans l'échelon social, pour passer. Ce que j'ai vu et ce qui m'a marqué aussi, et je vais reprendre une phrase qui a été dite par Hélène tout à l'heure, c'est que j'ai rencontré des femmes qui me disaient, mais attention, moi je ne me considère pas en tant que femme journaliste, je me considère en tant que journaliste. Et ça m'a marqué. Et puisque dans ces parcours-là, j'ai vu des femmes qui ont réussi tout à fait leur projet d'avenir. Donc, j'avais beaucoup de chance d'en faire partie parce que j'ai eu droit à des conversations, à des presque confessions intimes de la part de certaines qui voulait s'impliquer dans le politique. Le politique, c'est par exemple le cas de Maïche Diak, qui est devenue, je vous ai dit tout à l'heure, ministre, mais aussi de Paula Yacoubien, qui est une autre journaliste qui est devenue députée et qui fait toujours la polémique en étant députée aussi, parce qu'on lui a collé un procès. Parce qu'elle a dénoncé la corruption de l'un des politiques libanais proches du président. Donc, vous voyez, ces femmes-là, pour moi, c'était une richesse extraordinaire de voir aussi comment pour elle, toujours l'éducation et le métier du journalisme est un, ce sont des outils formidables pour arriver. Donc, ce sont pour elle des, en étudiant la capacité d'agir, ce que j'appelle chez ces femmes-là, et de, d'adaptation aussi au contexte, parce que on est toujours dans un contexte plus ou moins conservateur dans le monde arabe, et malgré cela, ces femmes-là vont au fur et à mesure adopter des stratégies d'action extraordinaires dans leur temps pour faire, pour évoluer dans leur profession, mais aussi pour faire évoluer les choses. Je vous donne, je vais être plus concrète pour, j'ai rencontré beaucoup des femmes journalistes qui payaient, par exemple, des formations dans des écoles de journalisme en Occident qui n'étaient pas prises en charge par, les, par leur chaîne pour améliorer leur performance dans le métier. J'ai rencontré beaucoup de journalistes qui avaient toujours l'objet, enfin, qui tenaient toujours à faire des études doctorales et à enseigner à côté. Donc là, c'est aussi des profils que parmi les journalistes que j'ai rencontrés. J'ai découvert aussi une capacité extraordinaire de négociation par la suite, au fur et à mesure que ces femmes-là, et je parle d'un groupe, hein, je ne parle pas de tout le monde, je ne fais pas de généralité, c'est important de le dire. Donc, comment ce groupe-là arriver à négocier le salaire, à négocier le poste à chaque fois qu'il évoluait dans ces conditions. Donc, et aussi, c'est ça ce qui m'a remarqué, c'est surtout cette stratégie chez les femmes correspondantes de guerre, comme par exemple Rima Maktabi, qui a commencé à animer une émission de divertissement sur une chaîne privée libanaise, Al-Mustaqbal, Future TV, et qui petit à petit va vraiment grimper dans l'échelon professionnel pour arriver aujourd'hui à occuper le poste de chef de bureau à l'Arabia, qui est la chaîne d'information en continu, la rivale d'Al Jazeera, où vraiment on peut parler d'un niveau de professionnalisme plus ou moins important. Donc, quand j'ai rencontré Rima qui m'a dit qu'elle avait toujours un objectif dans sa vie, c'est vraiment d'accéder à des émissions qu'elle pensait que c'était des émissions pas monopolisées par les journalistes hommes et qui étaient consacrées seulement pour les hommes, les émissions de talk-show sociaux et politiques. Et pour elle, c'était son projet de vie. Et quand elle m'a expliqué comment le fait de d'insister et de partir couvrir la guerre au Liban en juillet 2006 et par la suite c'est surtout cette guerre là qui constitue une tournure par rapport à son parcours dans le métier, comment cette couverture va l'amener à avoir un poste à l'Arabia qui, à l'époque, venait d'être lancée et que j'ai vu qu'elle a continué avec la même stratégie parce que je la suis toujours sur Twitter et que comment après, pour arriver à ce poste-là, elle a pu couvrir, par exemple, la guerre en Irak, elle a aussi couvert la guerre en Syrie et continue pour elle. C'était un moyen extraordinaire. Vous savez, dans les chaînes la direction des chaînes satellitaires arabes, il y a toujours dans les postes de décision, il y a majoritairement des hommes qui occupent ces postes-là. Et donc, vous pouvez imaginer que quand une journaliste fait une demande pour couvrir la guerre, qu'il y a beaucoup de résistance. Pour dire, ah non, si vous partez, ça sera entièrement sur votre propre responsabilité. La chaîne ne prend pas cette responsabilité d'envoyer une femme pour couvrir un conflit armé ou une guerre. Donc, la majorité des femmes, écrasante des femmes, prennent cette décision et partent sur leur propre responsabilité. Donc, c'est ce qu'elle a fait, par exemple, Rima, quand elle est partie, à plusieurs reprises, et qu'elle m'a dit, à mon retour, j'avais pu négocier mon salaire et que j'avais pu négocier mon poste dans la chaîne. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ce qu'il faut aussi savoir, parce que pour encore vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez mieux appréhender les choses, parce que dans ce monde-là, dans le champ médiatique arabe, il y a eu vraiment des transformations, différents types de transformations, notamment par rapport au métier du journalisme, comme par exemple ce que j'appelle cette mobilité extraordinaire qu'on a vue dans les chaînes, qui est liée spécifiquement aux enjeux de concurrence entre les différentes chaînes. Donc, je vous donne l'exemple d'Al Jazeera et d'Al Arabiya, qui d'ailleurs continuent à jouer un peu cette forme de rivalité et qui vont, on va dire, piquer des présentatrices ou des présentateurs pour leur offrir de meilleures conditions, de meilleurs salaires pour, à travers ces journalistes, essentiellement des vedettes, parmi les vedettes, qu'on va pouvoir concurrencer l'autre et attirer une partie, piquer une partie de son audience. Donc cette mobilité, si vous voulez, va aussi transformer les conditions de travail, dans le sens où on n'est plus à des formes de contrats, si j'ose dire dans le langage un peu français, enfin des contrats de longue durée ou des contrats indéterminés. On n'est plus dans des formats de CDI, mais plutôt de CDD. Donc de CDD, c'est des contrats à durée déterminée. Et ce que j'ai vu parmi ces femmes-là, surtout ce groupe des femmes qui avaient vraiment un projet d'accéder, d'évoluer, de progresser dans leur métier, c'est aussi, elles vont profiter, par exemple, de cette nouvelle configuration dans le métier pour dire, nous, on prend que des contrats de courte durée, et finalement, ça nous permet par la suite de pouvoir évoluer et de négocier, mais aussi d'être encore plus mobile et de répondre à différentes offres. Donc ça, c'est une partie importante de ma thèse, quand j'ai travaillé, quand j'ai analysé cette capacité d'agir. Bien évidemment, je me suis intéressée, par exemple, à la question, au programme animé par ce groupe de Mohawirat. Donc, parmi ces programmes, j'ai vu qu'il y avait vraiment une volonté de la part de ces journalistes femmes de toucher à des sujets qui ont été considérés pendant longtemps comme étant des tabous, par exemple à la question de la sexualité. ou d'autres questions de l'égalité, dans le sens où, avec l'arrivée de ce groupe de journalistes femmes, on va voir de plus en plus dans les talk-shows sociaux et politiques dans le monde arabe des sujets qui abordent des thématiques autour de l'égalité homme-femme. Donc, on va peut-être revenir avec plus de détails sur les contenus dans la discussion, puisque j'aimerais bien vous parler des résultats de mon enquête sur la réception, comment le public arabe, et j'ai travaillé essentiellement, vous pouvez l'imaginer, pour des raisons... pour différentes raisons, que sur le public libanais, puisque déjà c'est trop compliqué de mener des enquêtes de réception. Là, il aurait fallu faire des choix, donc j'ai choisi le Liban, j'ai choisi peut-être la facilité, mais c'est aussi pour pouvoir accéder au maximum de personnes. Donc j'ai opté pour des focus group parce que je ne voulais pas faire des questionnaires ou des sortes de sondages, parce que je voulais vraiment aller à l'encontre des téléspectateurs et des téléspectatrices pour mieux comprendre l'impact de cette nouvelle visibilité essentiellement sur ce public-là. J'ai travaillé sur trois cibles. J'ai travaillé avec des pères de famille. J'ai fait des focus group mixtes et non mixtes, parce que je voulais aussi libérer la parole au maximum. J'ai fait des focus group avec des mères de famille. J'ai fait des focus group mixtes avec des adolescents essentiellement. Donc, je voulais travailler sur différentes générations, mais j'ai aussi pris d'autres critères ont été pris en considération, comme par exemple le milieu social la confession, puisque vous savez, au Liban, il y a 19 confessions qui cohabitent ensemble. Donc, ce que j'ai remarqué parmi les premiers résultats, donc c'est surtout l'analyse des discussions que j'ai eues autour des présentatrices, était centrée essentiellement sur la question du professionnalisme. Et pourquoi ça m'a interpellée? Parce que on est sorti de la question de l'apparence, contrairement à des débats, ce que j'appelle moi aujourd'hui superficiels dans l'espace public, que ce soit en France ou en Occident, autour le voile de Décathlon ou je ne sais pas. Les téléspectateurs étaient beaucoup plus, j'utiliserai même le mot mature, dans leur interprétation, dans leur lecture de la diversité des figures féminines. Et donc, il y avait beaucoup de discours autour du professionnalisme comme critère de réussite dans le travail et outil de différenciation entre les différentes figures de présentatrices. Hommes, femmes et adolescents parlent avec beaucoup d'admiration des qualités professionnelles de leurs présentatrices. Certes, il s'agit d'une lecture subjective, parce que là, on ne peut pas demander aux gens d'être... objectif au minimum, on va dire c'est relatif, l'objectivité, mais aussi structurel, hein, et réel des figures des présentatrices. Je vous cite juste Mustapha, 43 ans, commerçant. La présentatrice tend à se démarquer auprès du public. La plupart des présentatrices sont des journalistes. Maïche Diak, par exemple, a su créer sa place auprès des publics. Pour moi, Maïche Diak est une présentatrice qui a réussi dans son domaine. Je l'écoutais tous les matins dans son programme politique jusqu'au jour de l'explosion. Je l'ai écoutée ce matin-là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que pour vous donner une idée comment j'ai procédé dans ces focus group, je montrais des séquences des émissions, mais aussi des différentes images de présentatrices. Et ce que je recevais de la part des participants, c'était elles qui partaient vraiment me citer d'autres noms de journalistes, de leurs journalistes préférés. Je ne vais pas pouvoir passer tout, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons peut-être besoin vraiment de renforcer, je dirais, la recherche. Je dis la recherche dans le monde arabe sur la question du genre, parce que là, et je reviens sur ma propre expérience, très subjective peut-être, mais aussi significative d'un état, pour faire un état des lieux, si vous voulez, des approches sur le genre aujourd'hui dans le monde arabe. C'est pas évident de travailler sur le genre dans le monde arabe, parce que le premier obstacle devant un chercheur, c'est on a très peu d'encadrants qualifiés sur ces thématiques-là, et je le dis avec beaucoup d'amertume. Et donc les étudiants doivent se débrouiller pour mener des travaux. Deuxième obstacle qui fait qu'on stagne un tout petit peu dans des recherches qui ne font que reproduire en fait la même type de connaissances ou de savoir, et surtout sur la question des femmes, cette vision essentialiste toujours de deux côtés, c'est aussi des contraintes d'ordre économique ou matériel, qu'on a très peu de bourses finalement pour pouvoir mener des enquêtes et des études comparatives et de sortir du contexte local au contexte régional et aussi international pour mieux appréhender la question du genre. Aujourd'hui, je le dis parce que j'ai participé récemment à un rapport de recherche sur les tendances en sciences humaines et sociales dans le monde arabe. J'ai travaillé essentiellement sur le cas libanais, et là j'ai été encore j'étais un peu déçue, mais tout en étant compréhensif de ces conditions-là, puisque je les ai vécues moi-même, nos jeunes aujourd'hui, chercheurs, privilégient toujours de travailler dans le quartier, dans le village, dans la petite ville. Et même pour les chercheurs qui travaillent dans le cadre des co-tutelles, il y a très peu des recherches comparatives. Moi, j'avais toujours ce projet-là, je ne sais pas si je vais arriver à le réaliser un jour, de mener l'enquête en France et pouvoir élargir cette perspective-là et de pouvoir comparer aujourd'hui par rapport à d'autres cas. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop et pour laisser là, j'ai encore 5 minutes. Donc oui, pour certains, ça paraît que peut-être, parce que j'ai eu cette critique-là de la part de certains chercheurs, que j'étais très moi-même influencée par cette nouvelle visibilité, je le dis peut-être oui, parce que là aussi on revient à la question subjectivité objectivité, mais c'est aussi quelque chose de l'ordre du vécu, et je reviens à cette subjectivité, à mon expérience à moi qui a grandi dans un village conservateur dans le nord du Liban, d'une mère illettrée et d'un père qui a un niveau très très modeste, dans le cadre d'une famille nombreuse, de 7 enfants, où on a réussi quand même, je parle surtout de mes parents, et à nous pousser jusqu'au bout, partir à l'étranger pour mener des études doctorales. On est 2 titulaires d'un doctorat et on a 3 autres frères et sœurs qui ont un niveau de master. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Certes, dans le monde arabe, ce qui a contribué à l'évolution de la condition des femmes, ce sont deux facteurs, je n'ajoute rien si je vous le dis, l'éducation et le travail, mais je reviens un peu sur ce qui a été dit par Hélé et que ce qui m'a parlé, qui a fait beaucoup écho, peut-être aussi ce statut d'infériorité qui fait que c'est ce qui va nous pousser à montrer, c'est ultra compliqué. Je vous le dis parce que je le vis 100 fois plus en France que dans le monde arabe, puisqu'on est renvoyé systématiquement à notre sexe, à notre identité culturelle, sans la moindre attention au parcours, au vécu. Et ça, je pense, c'est extrêmement important aujourd'hui de travailler sur des parcours, sur des trajectoires et de sortir des clichés de dire cette femme-là porte cette tenue ou enfin moi pour moi c'est aberrant de juger une personne à partir de son apparence. Et c'est pour cela, je pense, c'est pour cette raison-là que j'ai intitulé le livre qui va être bientôt publié à partir de mes thèses de doctorat, nous valons plus que nos apparences. Et que je pense que ce que je veux à travers ce titre-là, c'est que vraiment un message universel pour dire attention au vécu, aux trajectoires, parce qu'il y a des histoires merveilleuses. Et pour finir toujours avec la radicalisation, parce que je suis très influencée par ce sujet-là, c'est pour cela que dans mes travaux sur la radicalisation, j'ai pu développer des outils de prévention à destination des jeunes pour déconstruire les discours radicaux et l'imaginaire qu'ils véhiculent, mais aussi déconstruire les stéréotypes et réfléchir sur les représentations. Et j'ai opté pour une approche qui s'appuie sur des témoignages des jeunes qui sont passés par la radicalisation. Je vous assure que ça fait un effet extraordinaire. Nous menons ce projet-là dans le département des Yvelines, qui est très touché par la question de la radicalisation, et surtout dans des communes comme par exemple Trappes, qui a vu partir une centaine de jeunes en zone de conflit en Irak et en Syrie. Et que quand je vous dis que à Trappes, on avait atteint 90% d'interaction dans le cadre de notre projet Théâtre Forum qui s'appuie sur ces deux témoignages-là. J'ai trouvé ça extraordinaire et que c'est ce qui m'a permis d'atteindre cet objectif-là. Je pense que de revenir sur l'humain qui est dans le parcours, dans le trajectoire. Et je vous remercie.